Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Quelle émotion peut ressentir un homme qui s'apprête à prononcer un discours face à une foule massive, 250 000 personnes, et devant un lieu hautement symbolique, le Mémorial Lincoln à Washington ? Le moment est exceptionnel, bien sûr, d'autant que le discours est prononcé dans un contexte particulier, celui du mouvement de lutte pour les droits civiques. Savoir quoi dire est une chose, trouver la manière de le dire en est une autre. Il faut des talents oratoires. Ça tombe bien, celui qui prend la parole est un pasteur. Pendant le discours, la figure de style qui ponctue le propos est une anaphore. Des mots, des phrases répétées qui ponctuent ce propos. I have a dream, je fais un rêve. Le 28 août 1963, le pasteur Martin Luther King prononce un discours historique. Historique au sens où il a marqué les contemporains, où il est resté dans les mémoires, I have a dream. Mais Martin Luther King, reconnu pour son combat en faveur de l'égalité aux États-Unis, est un peu oublié pour ses autres combats. Oui, l'action de cet homme ne se réduit pas à la lutte contre la ségrégation, elle s'inscrit dans une pensée plus large, dans une action plus globale en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Alors faisons le rêve que l'apport de Martin Luther King ne soit pas réduit à un discours, aussi sublime soit-il. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, au-delà des droits civiques, les interminables combats pour l'égalité aux États-Unis, c'est une question d'actualité au sens où les journaux en parlent quand un homme, une femme est brutalisé, assassiné par un policier. C'est une question d'actualité aussi parce que les discriminations sont prégnantes aux États-Unis. Suprémacisme blanc, émeute de Los Angeles en 1992 ou encore corps et sport dans les luttes des Noirs américains. Des émissions à retrouver sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la baladodiffusion. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King. Avec vous, Sylvie Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris, chercheuse associée à Stanford aux États-Unis. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Martin Luther King, sous-titrée « Une biographie intellectuelle et politique ». C'est au seuil. Et puis, vous venez de publier « La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis ». C'est toujours au seuil. Dites-nous, Sylvie Laurent, en lisant les sous-titres de vos ouvrages, « Une biographie intellectuelle et politique » ou alors « Racisme et néolibéralisme aux États-Unis », nous sentons qu'il y a une réflexion d'idées plus larges que la simple lutte contre la ségrégation autour de Martin Luther King et plus globalement dans cette lutte pour les droits, pour l'égalité. C'est une vraie pensée complexe qui permet d'aborder plusieurs aspects et presque la société dans sa globalité. Oui, vous avez raison et je vous remercie de souligner ce point. Je voulais prendre garde, en particulier dans ma biographie de Martin Luther King, à ne pas verser, vous savez, dans un genre un peu épique de la lecture des droits civiques où l'on a en mémoire l'héroïsme vaillant de quelques figures connues, quelques images extrêmement iconiques qui ont marqué les mémoires. Vous avez évoqué, bien sûr, le discours de 1963, « J'ai fait un rêve », mais nous avons en particulier lié autour de Martin Luther King, mais aussi de Rosa Parks, mais aussi de quelques images de grandes marches et de grandes processions. Parfois, une vision un petit peu événementielle, réduite du mouvement des droits civiques. On dit que ça commence à peu près en 1965, que ça se termine à peu près 10-12 ans plus tard. Et donc, c'est une vision un petit peu étroite, un petit peu épique, alors qui suscite les passions et les identifications, et on trouve que c'est une épopée formidable. Mais la réalité, c'est que et la pensée des militants de l'égalité raciale et la réalité du racisme sont en réalité des systèmes. Ils démontrent la manière dont l'oppression noire est intégrée dans un vaste écosystème qui remonte aux origines de l'Amérique, et que par conséquent, il est impossible de penser les droits civiques en ne les réduisant qu'aux droits civiques. En réalité, il n'y a d'émancipation et il n'y a d'égalité que si le droit de voter, le droit de se déplacer, le droit d'habiter où on le souhaite, sont comme une espèce de première marche vers une accession plus générale aux lieux de pouvoir que les institutions conservent pour la majorité blanche. Donc à la fois les penseurs de la libération et le mouvement en lui-même attaquent le racisme et l'oppression sous un angle extrêmement global. C'est une libération totale, on peut dire. Sylvie Laurent, peut-on dire que Martin Luther King, que nous connaissons bien pour certaines de ses actions, certaines de ses pensées, a développé plein de réflexions qui sont complètement oubliées. Il va falloir réfléchir à la raison de cet oubli, mais en gros, nous connaissons que la partie émergée de l'iceberg de la pensée de Martin Luther King. C'est bien ça, vous êtes biographe de Martin Luther King, vous le connaissez bien. Oui, alors évidemment, il y a quelque chose de très louable dans le fait de se souvenir du Martin Luther King qui avait foi en l'Amérique, qui avait un rêve, qui était une figure comme ça, porteuse d'un enthousiasme collectif et qui voulait donner aux Noirs, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de voter, c'est-à-dire d'être pleinement dans la citoyenneté formelle et puis de mettre fin à la ségrégation aussi au Sud. Donc, tout cela est authentique, mais une fois de plus, ça n'est qu'un petit bout de la lorgnette de l'ensemble des réformes qu'il souhaitait afin que cette libération soit substantielle, pour reprendre un mot qu'il utilisait. Et le petit problème, c'est que une fois que l'Amérique a donné aux Noirs le droit de vote et la fin de la ségrégation en 1964 et en 1965, elle s'est tout de suite récriée sur le fait que la libération devait aller au-delà. Il y a une forme de crispation, de refermement sur l'idée que ça y est, la libération était acquise et que l'Amérique était quitte avec ces Noirs, alors même que King continuait à dire que l'égalité économique, que la brutalité policière, que la ségrégation dans les ghettos, que l'absence de logement et d'éducation décente, que tout cela était tout aussi fondamental. Mais comme c'est arrivé un petit peu après, ou en tout cas de façon concomitante à ce qui a été conçu comme la grande rédemption américaine, le fait de donner le droit de vote et de mettre fin à la ségrégation, on l'a oublié. Et donc on a fait taire Martin Luther King, on l'a d'une certaine façon fossilisé dans une image comme ça de grand-père Noël très sympathique qui prêche la non-violence et la réconciliation en oubliant à quel point fondamentalement c'était un dissident et que l'Amérique ne lui convenait pas du tout telle qu'elle était. Et puis la démarche de l'historienne nécessite à regarder le temps et c'est très important aussi de penser que les idées de Martin Luther King ne sont pas un tout global qui aurait été toujours existant. Les idées se développent, évoluent, ce ne sont pas les mêmes à différents moments. Sylvie Laurent, vous nous l'avez rappelé, hein, c'est dans les années 1950 que commence la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King, à ce moment-là, est jeune, hein, il est né en 1929, donc il a une vingtaine d'années. Que peut espérer un jeune pasteur noir dans ces années 1950 pour l'égalité, le vote? Quelles sont ses ambitions, simplement, son rêve de ce moment-là? Alors, ses ambitions, sa vocation, d'une certaine façon, elle est tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire que il grandit à Atlanta dans une famille de pasteurs et son destin est relativement tracé à ceci près qu'il veut devenir un pasteur diplômé et qu'il va au-delà des études faites par son père et par son grand-père pour aller poursuivre un doctorat à l'université de Boston, donc très loin du sud où il a son ancrage, où il a ses attaches. Pour revenir avec, disons, une approche théologique un peu plus fouillée dans la mesure où il a appris une espèce de regard critique sur la religion. Il vient d'un milieu un petit peu fondamentaliste, donc lui a fait un pas de côté. Il a lu Marx, il a lu les penseurs de la théologie chrétienne. Il a pensé une espèce de regard critique par rapport aux excès de la pratique, en particulier protestante baptiste, puisque c'est le milieu dont il vient. Et il revient avec néanmoins cette volonté de s'inscrire dans les pas de son père qui appartient à cette école du protestantisme baptiste qu'on appelle le social gospel. Cet évangélisme social qui prône l'investissement pour les plus pauvres, l'investissement dans les choses politiques, qui ne conçoit pas la foi chrétienne comme simplement claquemurée dans l'enceinte de l'église, mais qui impose à ses ouailles de prendre soin des plus vulnérables et d'aller s'inscrire sur les listes électorales électorale. D'autres, son ambition est locale, il pense à sa congrégation, c'est son horizon, dans un premier temps, en tout cas lorsqu'il ensuite devient pasteur à Montgomery. Il n'a pas davantage d'ambition, mais c'est déjà énorme, c'est déjà considérable, se dire que l'on va porter une parole de consolation, une parole de réconfort, et aussi une parole d'engagement politique et d'engagement social, et c'est à cela qu'il pense lorsqu'il arrive à Montgomery, où déjà l'histoire se préparait à devenir locale puis nationale, mais il est arrivé là un petit peu par hasard, et son ambition n'était certainement pas de devenir le porte-parole d'un mouvement d'une telle ampleur. Oui, il y a tout un jeu d'échelle ici entre cette ambition locale que vous évoquez, Sylvie Laurent, et puis nationale aux États-Unis, voire internationale, vous nous l'avez dit, il a lu Marx, il a lu les théologiens chrétiens, et puis il n'y a pas que ça. La réflexion de Martin Luther King doit se comprendre dans ce contexte très particulier des années 1950, avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, les actions de décolonisation. En fait, il peut alimenter sa pensée avec ce qui se passe en Inde, en Afrique et partout. C'est très important aussi pour comprendre le mode d'action qu'il va choisir. Vous avez parfaitement raison, d'autant que si on était tout à fait exact, les droits civiques en tant que de façon parfaitement formelle commencent en 55, mais en réalité, la lutte pour la libération avait commencé depuis, si j'ose dire, depuis 1619, les premiers esclaves arrivés sur les côtes de Nouvelle-Angleterre. Mais en tout cas, depuis les années 30 au moins, il y a toute une tradition internationaliste fortement influencée non seulement par le mouvement de décolonisation, mais aussi par la pensée communiste et par l'idée, vous savez, apportée par Trotsky aux États-Unis, qu'il existerait une internationale noire qui pourrait porter la libération des opprimés. Et Martin Luther King, bien sûr, a les yeux tournés, comme ses contemporains parmi les intellectuels et les gens qui sont soucieux de mouvements d'émancipation. Il est très influencé par ce qui se passe. Il aura deux grands modèles, l'un en Afrique et l'autre en Asie. L'Afrique avec le Ghana de Nkrumah, qui gagne son indépendance et qui sera un des premiers lieux où se rendra Martin Luther King, et bien sûr l'Inde. Et là, il est très important, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de citer le travail de Gandhi et l'influence considérable de la pensée de la philosophie non violente et de l'émancipation par la désobéissance civile, l'influence considérable de ce travail sur Martin Luther King, qui comprend qu'en fait, tout chrétien qu'il est, le discours de l'amour chrétien ne suffit pas, parce que c'est une forme de pardon, une forme de tolérance et une forme de désir d'aimer le prochain qui ne prend pas en compte le changement social. Et il trouve chez Gandhi cette chose qu'il n'avait pas trouvée dans la Bible, qui est l'idée que la non-violence peut être une force politique suffisamment puissante pour renverser les montagnes, fussent-elles celles de l'impérialisme britannique. Donc il y a là, en effet, une pensée d'emblée internationaliste que l'on trouve chez Martin Luther King et qu'il exprime dès ses premiers écrits. Il l'exprime dès ses premiers écrits, et ce n'est pas simplement un idéalisme. Il ne faut pas être violent et puis nous obtiendrons peut-être ce qu'on veut. C'est une vraie réflexion, une vraie stratégie politique même, ce choix de la non-violence. C'est une stratégie qui n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que toute sa vie, il n'aura de cesse d'enseigner à la pratique de la non-violence. C'est un point qui est souvent très peu compris. La non-violence est profondément coercitive. Les jeunes militants qui suivront Martin Luther King dans cet engagement, ils le font un petit peu en se forçant, parce que c'est pas du tout spontané d'accepter de recevoir les coups en espérant que la libération procède du spectacle de l'injustice et que l'on parvienne à changer le cœur de votre bourreau. Et donc il reprend de Gandhi l'idée qu'il faut enseigner, un petit peu comme une forme d'ascèse que l'on peut retrouver dans les arts martiaux, le fait de comprendre que retourner la violence mène à sa perte et que c'est en réalité un signe de faiblesse. Donc il organisera des séminaires de formation à la non-violence, des enseignements. Il y a tout un soubassement intellectuel, mais ensuite une pratique physique d'engagement des corps. Lorsque Martin Luther King et les siens participeront à des marches ou bien à des occupations de lieux publics en sachant pertinemment que la police est là et que les coups de bâton pleuvront, ils devront pratiquer de façon spirituelle cette idée de la non-violence en pensant profondément que d'une part, stratégiquement, lever la main sur un policier mènerait à la perte, mais que plus encore, la libération ne viendra que du fait de se départir de la haine, de la colère et du désir de revanche. Donc c'est assez compliqué pour des gens qui sont opprimés depuis si longtemps, mais il parvient, et c'est l'un des grands succès de cette période des droits civiques, qui est que contre l'évidence, la révolution des droits civiques aux États-Unis a été parfaitement pacifique et on s'en étonne encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter Martin Luther King qui parle après les attentats de Birmingham, donc c'est en Alabama, en 1963, des attentats racistes, où Martin Luther King réaffirme sa position non violente et il la réaffirme en français. Est-ce que vous pensez que l'intégration va se poursuivre de façon pacifique ici à Birmingham? Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale. Martin Luther King, le 18 mai 1963 sur l'ORTF, où Martin Luther King réaffirme sa position non violente. Il le fait dans un français que nous comprenons très bien, qui est très juste et très correct. Sylvie Laurent, vous connaissez bien Martin Luther King, vous êtes sa biographe. Quel était le lien avec la France? Il parlait bien le français? Bah, écoutez, je dois vous avouer que c'est vous qui m'avez fait découvrir ce point. Je n'avais jamais entendu avant cet extrait Martin Luther King parler français. Il a des liens assez distendus, il faut bien le dire, avec la France, même s'il était conscient de son aura internationale. Mais c'est principalement vers les pays colonisés ou anciennement colonisés qu'il portera son attention. En Europe, il vient principalement en Suède pour son prix Nobel, et puis il fait un tour, donc il passe dans tous les pays. Mais il faut bien dire que la France et la Révolution française et les penseurs français sont assez peu, Jacques Maritain un petit peu, mais sont assez peu présents dans son travail. En 1964, effectivement, Martin Luther King obtient le prix Nobel de la paix. Comment se construit pour Martin Luther King la lutte dans ces années 60? Il y a, dans ce que nous retenons principalement de ce qui est mis en avant, la lutte pour obtenir le droit de vote de tout le monde aux États-Unis, de tous les citoyens, donc qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. C'est ce que nous retenons principalement. Sylvie Laurent, quelles sont les autres luttes de Martin Luther King au même moment? Alors, la première partie du mouvement des droits civiques, peut-être même avant le droit de vote, même si elle est consubstantielle de ce que je m'apprête à dire, c'est la fin de la ségrégation. Il faut dire que la date fondatrice, c'est 1954, lorsque la Cour suprême des États-Unis disqualifie la ségrégation scolaire. Et à partir de ce moment-là, dans l'arrêt Brown v. Board of Education, la Cour suprême reconnaît que l'existence d'institutions scolaires séparées est négative, qu'elle apporte des effets tout à fait pernicieux pour les enfants noirs et qu'elle favorise la discrimination. Et à partir de cette décision, toute une série d'activistes pour la libération noire, en particulier la frange la plus juridique ou légale, représentée par la NAACP, va mener un certain nombre d'actions dans le Sud pour faire en sorte que, de façon ponctuelle, la ségrégation dans certaines institutions soit reconnue inconstitutionnelle. C'est ce qu'il s'est passé à Montgomery en 1955 avec la compagnie des bus, et c'est là que Martin Luther King a été choisi par la communauté qui avait commencé le combat sans lui pour être son représentant, son porte-parole. Après plus d'un an de boycott, la ségrégation dans les transports de Montgomery est jugée inconstitutionnelle. Et donc ensuite, Martin Luther King organise dans l'ensemble du Sud une espèce de grand parapluie institutionnel entre toutes les églises et son organisation qui relie, comment dire, non seulement les églises baptistes, mais au-delà un certain nombre d'organisations de lutte pour les droits civiques. afin d'obtenir dans différents lieux du Sud la fin de la ségrégation. Et dans le même temps, ils mènent des campagnes pour que les Noirs puissent aller s'inscrire sur les listes électorales, en sachant bien sûr qu'ils étaient soumis à toutes sortes d'intimidations et de diableries de toutes sortes afin de les empêcher de voter. Il y a donc ces deux choses simultanées, le fait d'obtenir la fin au niveau local de l'interdiction, par exemple, pour les Noirs d'aller dans certains restaurants, certains commerces, certains lieux publics, certaines piscines, certains cinémas. Et dans le même temps, le fait de pouvoir récupérer ce que le 14e et le 15e amendement des États-Unis leur avaient donné après la guerre civile, c'est-à-dire le droit de voter et par conséquent de devenir des acteurs politiques et des sujets de la délibération nationale, ce qui était devenu complètement impossible dans le sud des États-Unis. Sylvie Laurent, vous venez d'évoquer la guerre civile, la guerre de sécession. C'est vrai que la temporalité est essentielle dans cette histoire. Elle nous plonge vers le passé pour comprendre ce mouvement de lutte pour les droits civiques, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait presque remonter au XVIIe siècle et avec l'arrivée des premiers esclaves. Et puis il y a cette temporalité qui nous étonne aussi, de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 50-60, au début des années 60, la ségrégation était encore quelque chose de concret. Est-ce que Martin Luther King avait cette conscience historique? Est-ce qu'il utilise dans ses discours des rappels au passé sans cesse qui peuvent alimenter son propos du présent, c'est-à-dire celui des années 50-60? Oui, il le fait tout le temps. Mais je pense que de ce point de vue, il n'est pas très original. Si vous pensez, si vous prenez en compte tous les penseurs de la libération noire, depuis, pour limiter les exemples de Frederick Douglass à W.E.B. Du Bois jusqu'à Malcolm X, Stokely Carmichael et toute la génération qui a suivi, l'ancrage historique est toujours rappelé. Les militants rappellent toujours la chronique d'un double crime, c'est-à-dire que l'on pense bien sûr à la mise en esclavage et à la ségrégation, mais ce que tiennent à rappeler les militants des droits civiques, c'est qu'il y a eu un crime au-dessus du crime, qui est que cette faute originelle de l'esclavage et de l'assujettissement des Noirs est censée être réglée en 1865, disons dans la phase 1865-1870, lorsqu'à l'issue de la guerre civile, l'Amérique accorde aux Noirs la citoyenneté, le droit de vote et la possibilité d'être élu et d'être également traité dans la sphère publique. Or, une nouvelle contre-révolution, une nouvelle captation de leur liberté se déploie à ce moment-là, puisque les États du Sud, et avec toute la complaisance des États du Nord, organisent la remise dans les chaînes. Alors ce sont des chaînes d'une autre sorte, ce sont pas les chaînes de l'esclavage, mais d'un crypto-esclavage, ou en tout cas d'un assujettissement, privant les Noirs de ce que la Constitution leur octroie, le droit de vote, la liberté, la possibilité de se déployer. Et donc la raison pour laquelle King, Malcolm X et tous les autres rappellent l'histoire, c'est qu'ils rappellent l'Amérique à une double faute. La faute de l'esclavage et ensuite la faute d'avoir loupé la première libération et d'avoir consenti à une nouvelle oppression, d'avoir consenti à une nouvelle injustice. Et c'est pour cela que Martin Luther King n'aura de cesse d'évoquer la Constitution. Le premier texte qu'il écrit à 15 ans pour un débat de rhétorique dans son lycée s'appelle « Le Noir et la Constitution ». Et l'un des derniers discours qu'il prononcera sera aussi sur la Constitution. « J'ai lu quelque part que la Constitution nous donnait la liberté. Est-ce que j'ai vraiment bien lu ? Dites-moi, vous, Américains blancs, est-ce que vous savez au moins ce qu'il y a dans votre Constitution ?» Et c'est d'ailleurs pour cela que dans ce mouvement, il y a cet aspect très légaliste où Martin Luther King interpelle le président des États-Unis. Il y a ici la volonté vraiment d'une discussion avec l'autorité. Sylvie Laurent, vous avez évoqué cette complaisance des États du Nord pour maintenir en fait la ségrégation, pour ne pas qu'elle disparaisse dans le Sud. Discussion entre Martin Luther King et le président, notamment à ce moment-là c'est le président Johnson, est une discussion de deux hommes qui visent la même chose ou c'est une discussion de deux hommes qui s'opposent? C'est certainement une histoire de rapport de force, comme toujours. Lorsque vous dites, pardon, je reviens sur votre mention du fait que le Nord était complice dans le fait de préserver la ségrégation au Sud, de préserver aussi la ségrégation au Nord. C'est-à-dire qu'il y a toute une hypocrisie nationale autour de l'idée selon laquelle l'oppression des Noirs n'est qu'une affaire provinciale, n'est qu'une affaire du vieux Sud, et que si ces sudistes un peu arriérés voulaient bien s'élever au niveau du Nord, il n'y aurait serait plus de racistes. Martin Luther King n'est jamais naïf, en particulier lorsqu'à partir de 1966, il s'installe à Chicago et qu'il se rend compte que les soi-disant progressistes sont à peu près aussi racistes que les paysans du Sud, en cela qu'ils refusent de partager leur voisinage ou leurs écoles avec les Noirs. Et donc, pour revenir à votre question sur la relation entre Johnson et King, peut-être faut-il dire que la première chose qu'a comprise Martin Luther King est que l'échelon du pouvoir qui permettait ultimement d'obtenir des avancées, c'était l'État fédéral. Il n'y avait que le gouvernement fédéral et la garde fédérale elle-même et les avocats du ministère de la Justice pour venir porter main forte aux militants de la liberté. Et ce que l'on sait des relations entre Martin Luther King et Johnson, c'est que ce sont des relations de tension. Ce sont des relations où Johnson, qui vient du Sud, qui a certainement compris qu'il fallait que le pays avance sur cette question, que c'était intenable, nous sommes au milieu de la guerre froide, il y a donc des enjeux considérables de géopolitique et d'image publique qui sont à l'œuvre, Johnson concède petit à petit qu'il lui faut soutenir formellement la lutte que mènent Martin Luther King et les autres pour l'égalité raciale. Mais ça n'est que sous la menace perpétuelle d'un Martin Luther King, voire de militants plus radicaux, qu'il s'agisse des représentants du Black Power ou de la Nation of Islam, que Johnson concède petit à petit de mettre son capital politique en jeu pour finalement, en 1964 puis en 65, pousser sur le corps encore chaud de Kennedy qui a été assassiné, pousser les représentants du Congrès démocrate à adopter enfin de façon formelle une loi reconnaissant le droit de vote et interdisant la ségrégation au Sud. Et donc en réalité, c'est uniquement parce que le rapport de force est maintenu, y compris après 65, que Johnson concède l'adoption de lois permettant de progresser, mais non pas de clore la phase de la libération telle qu'entamée par les militants des droits civiques. 1964-65, le droit de vote, la fin de la ségrégation, mais l'action de Martin Luther King ne s'arrête pas là, et c'est vrai que nous, souvent, on l'oublie, le Martin Luther King d'après, dans ses actions différentes, c'est ce dont vous nous parlez ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, Sylvie Laurent. En 1968, Martin Luther King est assassiné, et Nina Simone chante « Why the King of Love is Dead ». Nous l'écoutons dans le cours de l'histoire. And he knew he could not stop, always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, 'cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? He'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop, always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel. Are we headed for? hommage de Nina Simone à Martin Luther King, The King of Love is Dead, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pans oubliés de la pensée de Martin Luther King avec vous, Sylvie Laurent. Sylvie Laurent, dites-nous, à partir du moment où des lois sont votées qui interdisent la ségrégation, qui donnent le droit de vote à tout le monde aux États-Unis, quelle est l'action de Martin Luther King pour le dire de manière un peu provocante? Ben, ça y est, le boulot est fini, il a terminé. Non, en fait, son combat continue. Oui, bien sûr. En réalité, il n'a jamais été question pour le mouvement des droits civiques et pour Martin Luther King de cantonner l'horizon à ces deux grands achèvements institutionnels qui sont certes des révolutions en soi, mais qui ne sont pas suffisantes. Le droit de voter, dit Martin Luther King, est bel et bien, mais que me vaut le fait de pouvoir voter? Que me vaut le fait de pouvoir entrer dans un restaurant qui m'était interdit jusqu'alors, si je n'ai pas les moyens de me payer un repas? Et donc on découvre très vite que Martin Luther King est insatisfait. Il a ce néologisme dans un de ses discours, il dit « je suis mal ajusté ». Ça ne me va pas, je ne suis pas content, je ne suis pas à l'aise, quelque chose est toujours de travers. Et ce qui est de travers, c'est que la pauvreté, la discrimination, la brutalité policière, l'enfermement dans les ghettos, qui s'exprime principalement au nord, mais qui trouve certaines résonances dans le sud et l'ouest des États-Unis, tout cela sont des problèmes qui sont tout aussi importants d'une certaine façon que la liberté formelle. Et donc, à partir de 1966, il nationalise sa campagne en mettant au défi les régions du Nord de eux-mêmes faire des progrès sur la question de l'égalité, du partage des richesses et de la redistribution. Donc il commence à Chicago et puis ensuite il organise des campagnes dans tout le pays. Et puis enfin, c'est un point qui est important, il rend public une pensée qui était la sienne depuis très très longtemps, mais qu'il avait gardée, tenue secrète, ou en tout cas qu'il gardait pour ses proches, parce qu'il savait le climat d'anticommunisme virulent qui régnait alors. Il articule sa critique du capitalisme à sa critique anti-impérialiste au moment de la guerre du Vietnam. Et ce qu'il commence à dire de plus en plus, c'est que l'Amérique ne peut pas, par de simples réformes, mettre fin au racisme. Il lui faut une révolution de ses valeurs qui suppose de mettre en cause le triangle infernal de l'impérialisme, du capitalisme et du racisme. Et ce qu'il dit à ce moment-là à l'Amérique est un message assez terrible. Il dit « oui, vous avez donné des lois formelles, mais tout ça, ça n'est que l'écume. La réalité de la profondeur, c'est que votre capitalisme, l'appât du gain, le désir d'accumulation matérielle, vous pousse à opprimer les peuples de couleur dans le monde, à provoquer de l'injustice, du sang et des larmes, et que cela est constitutif de votre racisme. » Et à partir de ce moment-là, son discours devient beaucoup moins audible, beaucoup moins consensuel, et il devient très rapidement, dès 1967, une personnalité assez largement rejetée par l'opinion publique. Et lorsqu'il meurt en 1968, il est très largement impopulaire. On a oublié le King de 64 et de la marche de Washington. On prend King pour un dissident, pour quelqu'un qui a été dépassé, dont la parole est démonétisée, et il n'est plus du tout l'icône. En quelques années, il est complètement tombé de son piédestal. Oui, les combats ont changé. Ce sont des combats qui plaisent moins. Le 25 juillet 1967, le président Johnson reçoit un télégramme. Ah, un télégramme de King. Alors il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Ça y est, le droit de vote, on l'a eu. La ségrégation, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, cette fois-ci, Martin Luther King propose une agence pour l'emploi. On l'écoute, c'est une lecture d'Olivier Martineau. Pendant la crise de 1929, alors que le pays était au bord de la faillite, le pays a été capable de créer une agence pour l'emploi qui créa sur le champ des milliers d'emplois pour tous les niveaux de qualification. Si on a pu le faire au milieu d'une crise sans précédent, pourquoi ne le pourrions-nous pas aujourd'hui dans une telle prospérité? Je propose que soit créée une nouvelle agence pour l'emploi, chargée de répondre aux besoins de tout chômeur, jeune et vieux, noir et blanc. Il ne s'agit pas de se contenter de demi-mesures, de créer une centaine d'emplois quand 10 000 sont nécessaires. ne prétendez pas que la priorité est d'avoir un budget équilibré, alors que notre société est si déséquilibrée. Il n'y aura pas de paix sociale tant qu'un peuple désormais conscient de ses droits constatera dans le même temps sa profonde misère. Je vous enjoins d'user au plus vite de vos pouvoirs et de ceux de votre administration afin d'établir la justice dans ce pays. Olivier Martineau dans le cours de l'histoire qui nous lit un télégramme de Martin Luther King au président Johnson en juillet 1967. Sylvie Laurent, cette agence pour l'emploi est un combat, un des combats de Martin Luther King parce qu'il y en a d'autres en fait. Il mène de front plusieurs actions, donc là c'est une action sociale en l'occurrence. C'est complètement une action sociale et elle est présente depuis le début. Il est intéressant, c'est un des points que je souligne dans ma biographie, de se souvenir que lorsque Martin Luther King se rend en Suède pour recevoir son prix Nobel, il est très frappé et très impressionné par la réalité de la social-démocratie. Et il revient aux États-Unis avec l'idée que le rôle de l'État est fondamental. Non seulement, comme je l'ai dit précédemment, parce que seul l'État fédéral peut imposer aux collectivités locales la fin de la ségrégation et le respect de la citoyenneté noire, mais plus encore parce que, et là il se souvient de deux époques particulièrement progressives aux États-Unis que sont la reconstruction après la guerre civile et la période du New Deal, période pendant lesquelles l'État fédéral a été très fortement impliqué dans la création de richesses communes, avec la création d'emplois publics, d'agences fédérales pour la formation, l'éducation et l'emploi. Et ce qu'il comprend, c'est qu'il n'y a de véritable émancipation que sans l'accès à un emploi, un salaire décent, une maison dans laquelle vous pouvez faire grandir votre famille, et que c'est de ça dont le nouveau citoyen noir a le plus besoin. Et donc il milite non seulement pour une agence pour l'emploi, mais pour la création d'emplois publics, en particulier dans le domaine de la santé, dans les ghettos, pour le fait que l'interdiction de la pauvreté et de salaires indignes soit inscrite dans les textes de loi, et il finira en 1967-68 par envisager une grande campagne des pauvres à Washington, dans laquelle tous les malheureux, tous les opprimés, de l'ouvrier sans qualification des Appalaches blancs jusqu'aux Indiens dépossédés de leurs terres, les prestataires des minimums sociaux et bien sûr les Noirs, iraient tous ensemble, main dans la main, marcher sur Washington et sur les bâtiments fédéraux pour demander une véritable politique publique de redistribution des richesses. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le désir d'instaurer une véritable social-démocratie avec des accents socialisants parfaitement explicite et assumée est considéré comme quelque chose de subversif, d'une espèce d'intrusion de l'idéal soviétique, communiste, marxiste dans le rêve américain qui, lui, comme chacun sait, est libéral et méritocratique. Et donc c'est un message qui a été très très largement oublié. Et pourtant, ce n'est qu'en comprenant cela que l'on comprend pourquoi la lutte pour les droits civiques est très largement inachevée lorsque Martin Luther King est assassiné en 68, puisque il faut l'égalité d'accès aux richesses pour que les lois de 64 et 65 prennent une véritable valeur, qu'elles prennent corps. Et donc, sans égalité d'accès aux richesses et au pouvoir, eh bien, finalement, la libération est encore à venir. Oui, nous sommes dans un contexte très particulier, hein, c'est celui de la guerre froide. La chasse aux sorcières est une chose du passé, c'est très années 50 la chasse aux sorcières, mais malgré tout, Martin Luther King touche à quelque chose qui pose véritablement problème dans le débat politique aux États-Unis, celui de la place que doit prendre l'État. Comment est-il perçu en fait? Il est perçu comme un communiste, il est accusé de ça. Quel est son rapport en fait avec le communisme? Sylvie Laurent, vous nous avez dit qu'il avait lu Marx, mais c'est pas parce qu'on lit Marx qu'on est communiste. Non. Alors, très tôt, dès qu'il est au séminaire, il lit et il écrit sur celui qu'il appelle le frère Marx, hein, ou le camarade Marx. Alors, il écrit très tôt et il y a en particulier une correspondance tout à fait remarquable qu'il entre entretient avec celle qui deviendra son épouse, Coretta, qu'il rencontre à Boston et qui, elle, est très engagée, un petit peu gauchiste, si vous voulez, de l'époque, qui milite. Et donc, il lui écrit, qu'il a lu Marx, c'est que, malheureusement pour lui, il y a un problème fondamental qui est, bien sûr, l'athéisme viscéral de la pensée marxiste. Martin Luther King est extrêmement pieux, c'est un pasteur, et il pense dans la capacité, et il croit fondamentalement dans la capacité du christianisme à porter une parole de l'émancipation. Il est en cela précurseur de la pensée de la théologie de la libération qui naîtra après lui. Et donc il dit dans cette correspondance avec Coretta, vous le savez Coretta, je suis bien plus socialiste que capitaliste dans l'esprit, et je pense que Marx a compris que le capitalisme était voué à disparaître. Le capitalisme, finalement, son seul rôle, c'est de prendre à ceux qui n'ont rien pour le donner aux plus riches et de continuer à exploiter et à déposséder les plus forts. Donc il a 25 ans lorsqu'il écrit ça, c'est extrêmement puissant comme analyse, mais il dit d'emblée que le problème est que les hommes sont considérés comme des moyens et comme des fins, et que le matérialisme historique prive l'individu de sa capacité d'agir. Donc il a deux problèmes fondamentaux, le matérialisme historique qui lui semble dénuer à l'individu son humanisme et ça et son pouvoir profond sur le cours des choses, et bien sûr la question de l'athéisme, puisque ça c'est tout simplement insupportable. Pour le reste, il ne défendra jamais la nationalisation des moyens de production, la lutte des classes, le prolétariat, bien que ce soit une grammaire qui s'insuffle, qui soit présente dans l'ensemble de ses écrits. Mais ce qu'il veut, c'est un socialisme démocratique qui soit antiraciste et anti-impérialiste. Et de ce point de vue, il tourne le regard bien davantage vers les pays scandinaves que vers l'Union soviétique. Mais il est quand même tout à fait favorablement influencé par les pays qui, ayant décolonisé, mettent en place des régimes socialistes. Il s'agit de l'Algérie. Il défendra évidemment le Vietnam. Il comprend que le communisme, c'est aussi une force anti-impérialiste. Et donc, il ne fait pas l'erreur de rejeter d'un seul bloc l'ensemble des pensées d'inspiration marxiste, parce qu'il sait que la libération, c'est aussi celle de la classe ouvrière, au même titre que celle des peuples de couleur qui sont opprimés. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à la lutte pour l'égalité aux États-Unis à travers la figure de Martin Luther King, avec cette question: pourquoi l'action de Martin Luther King se réduit souvent à sa lutte contre le racisme et que l'on oublie? Ça, on le comprend en fait. Ce que vous nous avez dit, Sylvie Laurent, ces critiques du capitalisme, ça a été mis de côté. Puis, vous nous l'avez dit, dans ce triangle racisme, capitalisme, impérialisme, il y a l'impérialisme. Je vous propose d'écouter un discours de Martin Luther King. Il nous est lu par Olivier Martineau. Un discours prononcé le 4 avril 1967 devant une assemblée dans une église de New York. Oui, Martin Luther King parle de la guerre du Vietnam. Il a semblé qu'il y avait une promesse réelle d'espoir pour les pauvres, blancs et noirs réunis, à travers le programme contre la pauvreté. Puis survint l'escalade au Vietnam, et j'ai vu ce programme brisé et éviscéré, comme s'il était devenu le jouet politique inutile d'une société rendue folle par la guerre. Et j'ai su que l'Amérique n'investirait jamais les fonds et l'énergie nécessaires pour la réhabilitation des pauvres. La guerre ne se contentait pas de dévaster les espoirs des pauvres dans le pays. Elle envoyait aussi leurs fils, leurs frères et leurs maris combattre et mourir dans des proportions extraordinairement élevées par rapport au reste de la population. Nous prenions de jeunes noirs, estropiés par notre société, et nous les envoyions à 10 000 kilomètres de là pour garantir des libertés en Asie du Sud-Est dont ils ne bénéficient pas eux-mêmes dans le sud-ouest de la Géorgie ou dans Harlem-Est. Je ne pouvais pas rester silencieux devant une si cruelle manipulation des pauvres. Le 4 avril 1967, discours de Martin Luther King à propos de la guerre du Vietnam. Sylvie Laurent, dans ce trio de lutte de Martin Luther King, le racisme, l'inégalité, nous l'avons compris, il l'obtient dans les années 60 avec le droit de vote et la fin de la ségrégation. Le capitalisme est critiqué par Martin Luther King et l'impérialisme. Là aussi, ça pose problème. Ça explique que sa figure est effacée. C'est un point tout à fait déterminant. En réalité, je ne suis pas loin de penser que c'est peut-être un peu un prétexte, c'est-à-dire affirmer que son engagement contre la guerre du Vietnam ou ses critiques du libéralisme, bien que formulées à bas bruit pendant toute une partie de sa vie, sont en réalité les prétextes évoqués par toute une frange de l'Amérique blanche qui se présentait comme progressiste, qui en réalité commence à penser, à partir de 66-67, que décidément les Noirs en veulent beaucoup, et que ça commence à suffire. Pourquoi ? Parce que le mouvement qui est désormais présent dans l'ensemble du pays commence à demander des choses très tangibles. L'ouverture des écoles traditionnellement blanches de Chicago, New York ou Philadelphie aux enfants noirs. Le fait que les quartiers très propres où la classe moyenne blanche vit la belle vie soient ouvertes à des familles noires qui pourraient elles aussi avoir accès aux mêmes ressources et aux mêmes richesses. Et à mesure que les sphères de la justice s'étendent et que les noirs demandent de l'égalité tangible, de plus en plus de blancs reculent et retirent leur soutien au mouvement. Alors a fortiori, lorsque Martin Luther King, au travers de sa critique de la guerre du Vietnam, montre du doigt la violence fondamentale et intrinsèque de l'Amérique, au sens où c'est dans son âme, dans son ADN, dans son histoire profonde qu'elle a cultivé ce désir d'opprimer, de déposséder, d'écraser les personnes dont elle convoitait les biens. C'est un discours d'une dissidence et d'une radicalité absolument inouïe. Il le dit dans une église, c'est-à-dire dans un lieu qui est censé être la parole de l'amour et de la charité, mais c'est véritablement un coup de tonnerre, parce que c'est une parole de procureur. Et à ce moment-là, en effet, et Johnson, qui mène la guerre au Vietnam, se sent trahi, et l'ensemble de la population blanche, qui est assez légitimiste en période de guerre, se demande ce que c'est que ce Martin Luther King, qui ferait mieux de s'occuper des Noirs du Sud et de faire du travail de charité dans son église, plutôt que de se piquer de politique nationale, parce qu'on est là véritablement au cœur de la critique des années 60. Et comme vous le savez, il n'y a pas que King qui milite contre la guerre. Non seulement les militants du jeune Black Power Movement sont les premiers à accuser l'Amérique d'être une nation criminelle, mais aussi toute une partie de la jeunesse blanche qui proteste dans les rues, qui s'organise. Et donc il y a tout un mouvement contre-culturel qui met en jeu la grande sécurité, le grand confort de l'Amérique prospère, et ça met en jeu des équilibres politiques radicaux. Donc à partir de ce moment-là, Martin Luther King devient une figure extrêmement impopulaire, un paria. On ne l'invite plus et on considère que sa parole a perdu de la valeur, et y compris au sein des grands mouvements noirs, beaucoup critiquent Martin Luther King en lui disant qu'il s'est fourvoyé, que ça n'est pas le travail d'un militant des droits civiques de condamner la guerre ou de condamner le capitalisme. Et Martin Luther King, de plus en plus courageux mais de plus en plus seul, poursuivra jusqu'à son dernier souffle cette critique de l'oppression. Et comme vous le savez, lorsqu'il meurt à Memphis, il est en lutte aux côtés des syndicalistes et des travailleurs de Memphis qui luttent contre l'oppression dont ils sont victimes. Ce sont les éboueurs de la ville qui sont traités comme des moins que rien, qui manifestent et qui ont invité King. Et c'est pour ça qu'il va à Memphis. Et donc il articule toujours le racisme à l'oppression capitaliste, et c'est dans ce contexte-là qu'il est tué. Nous évoquons Martin Luther King. Sylvie Laurent, vous nous parlez de son impopularité à la fin des années 1960. Et faisons un petit bond dans le temps. Arrivons en 1983, Ronald Reagan institue une journée de célébration nationale pour Martin Luther King. Quel contraste, qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux? En fait, ce Martin Luther King qui est célébré sous Reagan n'est pas le Martin Luther King complet, celui que vous avez étudié, Sylvie Laurent, dans votre biographie. On a élaguer hein, tout ce qui posait problème. Oui, alors élaguer est un euphémisme. C'est précisément le grand tour de passe-passe des conservateurs en 1983 que d'utiliser la demande qui est faite par Coretta King et l'ensemble des proches de Martin Luther King, qui militent depuis sa disparition pour l'instauration d'un jour national de célébration et de remémoration de la parole de Martin Luther King. Et lorsque Ronald Reagan, qui comme vous le savez était un farouche opposant des droits droit civique et qui s'est exprimé en tant que tel lorsqu'il était dans le Sud, mais ensuite dont la politique a reflété sa dimension extrêmement conservatrice, accepte de signer l'acte mettant en place la célébration d'un jour national pour Martin Luther King. Il le fait après des propos sur le communisme supposé de Martin Luther King, mais de façon tout à fait stratégique. Il se pose en grand rassembleur et il s'empare de la figure de Martin Luther King comme d'une figure tutélaire qui devient de facto une forme de grand père patriote de la nation. C'est-à-dire que tout à coup, on enveloppe Martin Luther King du drapeau américain et l'on dit « Regardez comme l'Amérique est grande, regardez comme l'Amérique est belle ». Elle a produit un Martin Luther King qui a réussi, parce qu'il avait foi en l'Amérique et qu'il savait que nous étions une nation exceptionnelle, à nous faire devenir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, on voit là aussi la façon dont les griffes de Martin Luther King sont limées et dont la portée même de son message complètement amputée, puisque Martin Luther King dit « Nous sommes une expérience, mais nous n'avons fait qu'une partie du chemin. Chaque petite étape nous renforce dans notre conviction qu'il faut aller plus loin. » Et il n'a jamais pensé que l'Amérique avait réussi le parachèvement de son projet. Et ce que dit Reagan, c'est « Regardez, l'expérience de Martin Luther King prouve que nous avons pu nous améliorer, que nous avons pu nous réformer. Nous sommes donc une nation terminée, une nation achevée. On est dans les prodromes de ce qu'on appellera le post-racial. » C'est-à-dire, c'est une façon de dire, nous avons un jour de célébration de Martin Luther King, nous sommes quittes, nous avons peut-être commis des erreurs dans le passé, mais nous sommes quittes. Ça y est, nous avons parachevé la grande promesse égalitaire de la déclaration d'indépendance, nous sommes une nation juste. Et forcément, on peut penser qu'en 83, Martin Luther King se serait retourné dans sa tombe en entendant le grand pourvoyeur de l'État social américain se parader ainsi sur la mémoire de Martin Luther King. Et l'actualité nous montre que non, nous ne sommes pas quittes. Merci beaucoup Sylvie Laurent pour cette analyse sur Martin Luther King. Je rappelle votre biographie Martin Luther King, une biographie intellectuelle et politique, et puis votre dernier ouvrage, La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis. Les deux ouvrages sont publiés au Seuil. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont-Camille, André-Camille Rijade et Amélie Perrault. Demain, de quelle histoire le suprémacisme blanc est-il l'héritier aux États-Unis? Oui, les tensions actuelles doivent se comprendre sur le temps long. À demain.